Oui, c'est un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 30 janvier 2012. Oui, tu connais ça, toi, le sport. Mais on connaît ça. Puis c'était une grosse fin de semaine. Il y avait d'ailleurs le match des étoiles. Match des étoiles. Ouais, on fait attention. Pas ça, là. Au niveau du hockey, match de la LNH que j'ai trouvé très plate. Moi, je l'ai bien aimé, ce match-là. Ouais, tu l'as même pas écouté. Toujours avec François Carlin. Hey, fais attention à mon nom. Mathieu Plante. Ma bouche n'est pas encore. Réchauffe-la. J'ai soif d'apprendre. Voici tes toits cuisines. Combien d'années ça fait qu'on fait cette émission-là, genre? Ça fait 6-7 ans au moins. Je pense que c'était 1992-14. Ça commence à être 93 d'abord. 93, ouais, mettons, entre les deux. Ça fait à peu près ça, 6 ans, mettons. Ouais. 7 ans. T'as aussi le poisson tempura. Tempura, ah, je connais pas. Avec la petite garniture croquante autour, tempura, hein? Ça. Des petits poissons. C'est pas ça que tu manges? Ouais, ça, tu manges ça, là. Okay. Comme ça. Ah. OK. C'est bon à savoir. Voilà. On va rire des trifluviens un peu. On rit, nous. Bah ouais, on est bon pour ça. Ouais, ouais. T'es lettre, non ça. Quand t'es beau en fait, tu sais. Wow. Hein? J'ai jamais vraiment vu ça. Tu fais bien. Bonjour. Bonjour. Mais c'est la fin pour ces deux gars-là parce qu'ils s'en vont. Ça va se coucher? Eh non! Avec hier. Oh, Colin. C'est l'invitation. Je pensais que t'allais garder ça pour le hard-on, mais bon. On va y aller avec une pièce qu'on adore tous les deux, François et Louis Marchand. Ah ouais? Oui, c'est 5.0 dont on a créé un monstre pour débuter l'émission. On se met en musique, on s'en va entendre une formation qui s'appelle On a créé un monstre. Encore? Voici 5.0. Encore? On a fait jouer ça au début? Je sais pas. Mathieu. Non, je pense Mathieu, pas. Mathieu, reste pas. Je pense pas. Non. Pourquoi se passe-là? Pour l'instant, on retourne en musique avec du palmarès francophone. On a créé un monstre. Pas encore. Puis on a créé un monstre. Pas encore. T'as pas envie d'écouter On a créé un monstre? J'ai pas envie de réécouter. OK. Ça va aller. Je pense qu'on a compris la joke. Hein? Ça va aller. C'est le jour de la marmotte, tout le monde. On vit la même journée plusieurs fois, la même chanson. C'est ça, la blague. Mais c'est inspiré le film Groundhog Day avec Bill Murray en 1993, où il se réveille. C'est toujours le jour de la marmotte à tous les jours. Imagine, c'est comme se réveiller avec toute la même chanson, tout le temps, genre. Puis après ça, abandonner parce qu'on se rend compte que c'est vraiment pas bon. De l'écouter plusieurs fois, genre, mettons. Exemple. Demande spéciale de Mathieu Plante, hey, ce matin. Mathieu Plante, ce matin. Hein? Ça, le matin, là. Ça part bien la journée. Du Mathieu Plante, c'est clair. Du Mathieu Plante. Ouais. Morning Wood, wow. Hein? Relax, toi, là. OK, donc... Calm down. C'est quand même rare une chanson qu'ils utilisent comme instrument, un gars qui affile des couteaux, tu sais. Qui affile des couteaux? T'entends pas ça? Non? Il doit pas être la seule. Non, un peu. Complètement cinglé, ce Mathieu Plante. Ah, écoute ça. Ouais. Come on. Ouais. Il affile des ciseaux. Il fait des ciseaux, OK, c'est pas des couteaux, là. Les deux. OK. Ben bon, faut le savoir. Hein. Là, pas fou, là. Pas fou pantoute. Pas fou pantoute, Mathieu Plante, ben voyons donc. Hey. Toujours avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. En duo. Mathieu Plante. Hey. Hein? C'était comme un duo, c'était comme Simon and Garfunkel. Oh. Simon and Garfunkel. Ouais. C'est un duo, ça? Ouais. C'est la joke qui était pas bonne. Non, mais. Je pensais pas me faire juger. Je me créerais avec René Angelil. René Angelil, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai la musique en français. C'est ça. On est tous les deux très bons pour les imitations. C'est incroyable. Comment ça va? Ça va bien. On est un peu grippeux, par contre. Donc, je suis pas toussé pendant la chronique. Trop d'émotions dans ta voix. Trop d'émotions dans ta voix. T'as pas assez d'émotions dans ta voix. Ouais, mais ça. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 30 janvier. Hein? Ben oui, Gabriel de Grasse. Oui, c'était moi. C'était... Non, on n'est pas très bons dans les imitations. Chose puis moi. On n'a pas entendu Myriam. Non, ben elle est plus là. Je hein, sais. T'étais c'est pas triste. Là parce que ta chronique, t'as pas drôle. Non, c'était pas... C'était, non. Ça portait pas particulièrement au rire. Non. Non. T'es sérieux. On pourrait dire. Donc, les meilleurs moments d'assemblage requis qu'on vient d'entendre, vous pouvez nous s'intoniser tous les jours entre 7h et 9h, du lundi au jeudi. C'est don magique et on s'affile des couteaux et des ciseaux. Puis, C'est pas agréable, sérieux. C'est super bon cette chanson-là. Non, je sais, mais on dirait que je focus vraiment sur les coups de couteau ou de sabre ou de trucs maintenant comme ça. Maintenant que j'en ai parlé, hein, c'est puis, ça? Non, mais ça me donne des frissons. Ouais. Je l'avais jamais entendu avant, mais ça me... Bon, au moins, c'est pas des ongles sur un tableau. Au moins. Tout aussi pire. Ou une fourchette dans un fond d'assiette. Ongle en mina. Croquer un bâton de popsicle. Ah, ou juste mettre la langue sur un bâton de popsicle, moi je trouve ça dégueulasse, pour vrai. Non, non, moi j'ai pas de problème. Tu sais, quand tu manges un. Je finis de parler de sucre après ça, là, j'en parle tout le temps chaque semaine, on dit. Mais tu sais, quand tu manges un révélo, tu sais, qu'il y a de la crème glacée en plein milieu et du chocolat autour, il reste deux petits bouts là, de chocolat à la fin. Oui. Je suis pas capable d'y croquer. Oh non, moi c'est mon bout préféré. Ben là, c'est quoi, tu te donnes à ton chien? Ton chat? Ton hamster? Je le jette. Ton iguane? Ok. Non, c'est pas bon le chocolat pour les animaux. Je le jette, non, il me dit genre pas. Mais non, je suis pas capable. Frisson. Brrr. Dans c'est le plate, hein? Ouais. Ouais. Fini. Ok, on continue. Hey, fait qu'on avait fait jouer à la même pièce trois fois, puis là, vous me demandiez pourquoi c'était des meilleurs moments. C'est le jour de la marmotte. Oui, le jour de la marmotte. C'est aujourd'hui, ça, jeudi 2 février. Oui, oui, Phil. Phil, mon grand chum Phil. Elle est sortie, puis elle a vu son nom. Ouais, elle a vu son nom, la maudite tabarouette. C'est semaine d'hiver encore. Ben oui, c'est à cause d'elle. Lui. Ben, Phil, c'est lui. Phil, c'est un gars, je pense. C'est un gars. Ouais. The Phil en aiguille. ça c'était même pas placé pour être mauvais. Mais c'était tellement mauvais, mais je te sors une anecdote. L'émission à TVA qui s'appelle Ça finit bien la semaine. Ah, c'est mauvais ça. Au départ, excusez-moi. C'est vrai, premièrement. Mais deuxième fait intéressant par rapport à ça, c'est que c'était supposé au départ s'appeler The Fille en aiguille. C'était-tu mauvais? Oh, mais mon Dieu, je m'enfile Mélanie Ménard. Ben, c'est quoi? C'était quoi ce que ça fait très bon choix, par contre, moi. Non, pas bon choix. Que c'est vraiment bof, là, je trouve. Ah, non, c'est vrai. Je suis désolée, mais c'était que son cou. C'est l'autre qui est cute, là. Non, mais moi, Rasco. Ouais, c'est cute. Mais moi, je préfère Virginie. Préfini, c'est une blague de Rasco, ça. Non, mais je dis pas. Non. Des écoles, je préfère Virginie Bof pour Mélanie Ménard, là. Moi, je l'aime fou, là. Elle est sympathique au bout. Oui, elle est sympathique, mais je préfère Virginie Coussa. Oh, ben oui. Elle est pas mal plus que juste Coussa, celle-là. Ça pourrait être notre prochain fond d'écran ici. Oui, OK, ben c'est correct. Ça, je serais d'accord. À la saga des fonds d'écran changés par les co-animateurs du midi. C'est le pire aujourd'hui. Ça arrête plus, hein? Moi, j'aurais préféré que ce soit Phil. La marmotte. La marmotte. Marmotte à le dire, moi. Je l'ai fait un matin, puis c'était pas drôle non plus. Ouais. Non, c'est vraiment pas bon. Merci. Ça laisse un goût amer dans la bouche.